Le jeudi 13 avril, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Il est dans l'intention du gouvernement d'interdire les chiens de type pitbull. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, lors de la présentation il y a quelques minutes du projet de loi encadrant les chiens dangereux. La pièce législative donne au gouvernement le pouvoir d'interdire par décret certaines races de chiens. Une clause grand-père permet cependant aux propriétaires actuels de conserver leur animal. Le projet de loi ordonne l'euthanasie des chiens ayant causé des blessures graves ou mortelles. Il donne aussi le droit aux municipalités d'ordonner l'examen vétérinaire d'un chien qui pourrait le faire déclarer dangereux. À Ottawa, le gouvernement Trudeau a déposé son très attendu projet de loi visant à légaliser et encadrer la marijuana récréative. Selon les premières informations, il permettra la consommation du cannabis à partir de l'âge de 18 ans. Le document s'inspire des 80 recommandations d'un groupe de travail qui s'est penché sur la question. Celui-ci proposait entre autres que le fédéral réglemente la production du cannabis et que les provinces soient responsables de la vente au détail. Le gouvernement du Québec s'est déjà dit inquiet du fardeau que cela faisait porter aux provinces. De son côté, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a maintes fois répété que son objectif était d'éloigner cette substance des jeunes et de mettre fin au marché noir qui finance les organisations criminelles. Coïncidence ou non, le prix de l'essence connaît une hausse marquée à quelques heures du long congé pascal. Dans certaines stations de la région de Québec, le prix du litre a fait un bond de 18 cents. Selon le CAA Québec, le prix réaliste de l'essence devrait plutôt se situer à 117 cents le litre. Enfin, le port de Québec met la main sur un important terrain de la rive sud pour développer ses activités maritimes. L'administration portuaire a signé une option d'achat sur les terrains de Rabaska dans l'est de Lévis. L'entente lui permettra de doubler sa superficie. Le PDG du port, Mario Girard, affirme qu'il n'y aura pas de développement à court terme dans ce secteur. Il préfère parler d'un investissement à long terme. Printemps, été, automne, hiver. Météo. Il y aura dégagement cet après-midi. Le mercure va grimper jusqu'à 8 degrés. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé. Minimum de plus 2 degrés. C'est toujours ça de prix. Demain, vendredi, 8 degrés, généralement ensoleillé. Ce sera nuageux pour la fin de semaine. Des températures qui vont tourner autour des 11 et 12 degrés. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. Il fait 7 degrés.